The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To love. Adorer. Springtime. Le printemps. To look at. Regarder. Color. La couleur. Odor. L'odeur. Tissue. Le mouchoir. Allergic. Allergique. Now, a bit faster. Tissue. Le mouchoir. Odor. L'odeur. To look at. Regarder. To love. Adorer. To look at. Regarder. Odor. L'odeur. Allergic. Allergique. Tissue. Le mouchoir. Odor. L'odeur. To look at. Regarder. Allergic. Allergique. Tissue. Le mouchoir. To look at. Regarder. Now, use the words in context. Le printemps. In France, there are four seasons: spring, summer, autumn, and winter. En France, il y a quatre saisons: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Adorer. I love it when the weather is nice. J'adore quand il fait beau. Le mouchoir. I have a cold, I need a tissue. Je suis enrhumé, il me faut un mouchoir. Allergique. I'm allergic to fish and nuts. Je suis allergique aux poissons et aux noisettes. Le printemps. In France, there are four seasons: spring, summer, autumn, and winter. En France, il y a quatre saisons: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Adorer. I love it when the weather is nice. J'adore quand il fait beau.